Rappelle-moi comment on dit je m'apprête à le faire. Je suis sur le point de le faire. Sto per farlo. Sto per farlo. Très bien. Sto per farlo. Sto per farlo. Voilà. Et dites-moi aussi je suis sur le point de manger. Sto per mangiare. Oui, sto per mangiare. Et je suis sur le point de le préparer. Sto per prepararlo. Comment dit-on préparer? Le verbe préparer. Prepare. Preparare. Preparare. Oui, c'est ça. Sto per prepararlo. Voilà, sto per prepararlo. Comment diriez-vous maintenant « J'étais sur le point de faire telle ou telle chose » ? Stavo. Bien, stavo, oui. Et donc, comment diriez-vous « J'étais sur le point de le préparer » quand vous avez appelé ? Stavo per prepararlo. Quand ? Quando ? Vous avez appelé. A... appelé... chiamata. Pas tout à fait. Chiamato. Oui. Quando ha chiamato. Donc on a stavo per prepararlo quando ha chiamato. Si une fois lancé, vous rappelez plus le mot chiamare, vous pouvez toujours trouver un autre mot à la place. Par exemple telefonato. Telefonato, absolument. Imaginons que vous vouliez dire « j'ai l'intention de partir ». Nous avons déjà vu ça ensemble, mais très rapidement. « J'ai l'intention de faire telle ou telle chose »,« je pense faire telle ou telle chose », c'est « penso di » suivi du verbe. Par exemple, comment direz-vous « je pense partir » ? Penso di partire. Oui, c'est ça. Penso di partire. Et demandez, quand pensez-vous partir? Quando pensa di partire? Quando pensa di partire? Oui. Maintenant, demandez, combien de temps pensez-vous rester en Italie? Quando... non. Combien, combien? Quanto tempo pensez-vous pensa di rester en Italie? Restare in Italia? Voilà. Quanto tempo pensa di restare in Italia? Comment diriez-vous maintenant? J'ai l'intention de le faire. Penso. Oui, bien. Di farlo? Très bien, oui. Penso di farlo. Je pense le faire. J'ai l'intention de le faire. En fait, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de façons différentes d'exprimer la même chose. Si vous ne trouvez pas celle que vous aviez l'intention d'utiliser, cherchez-en tout de suite une autre. Penso di farlo. C'est effectivement « j'ai l'intention de le faire ». Mais si vous n'aviez pas trouvé cette traduction... vous auriez pu dire aussi « lo farò ». Oui, pourquoi pas, « je le ferai ». « Lo farò ». Donnez-moi d'autres solutions. Par exemple, « je veux le faire ».« Voglio farlo ».« Voglio farlo », c'est ça, oui. Et aussi, « j'ai envie de le faire ». Comment diriez-vous ça ? « Ho voglia di farlo ». Répétez s'il vous plaît. Ho voglia di farlo. D'accord. Ho voglia di farlo. Ce que vous voulez dire, d'une façon ou d'une autre, c'est « j'ai l'intention de le faire ». Mais, une fois de plus, il y a plusieurs façons de le dire. Nous avons vu qu'en italien, la meilleure traduction est un verbe. Pensare di. Mais si vous ne trouvez pas ce verbe, vous pouvez toujours mettre un nom à la place, comme en français. Qu'est-ce que ça donnerait avec un nom ? J'ai... Oh ? Oui, mais j'ai quoi ? Ho voglia. Redites-moi ça, s'il vous plaît. Ho voglia. Alors, Ho voglia, c'est j'ai envie. Ce qu'on veut dire ici, c'est j'ai l'intention. En italien, on peut dire exactement la même chose qu'en français, mot à mot. Donc, j'ai l'intention se dira ho l'intenzione. Ho l'intenzione, absolument. Parce que le T-I-O-N français donne zione, Z-I-O-N-E en italien. Alors, comment dira-t-on j'ai l'intention de le faire maintenant? Ho l'intenzione di farlo ora. Bien! Ho l'intenzione di farlo ora. J'ai l'intention de le faire maintenant. Et comment direz-vous le contraire? Je n'ai pas l'intention de le faire maintenant. Non ho l'intenzione... L'intenzione. Non ho l'intenzione di farlo ora. Voilà. Non ho l'intenzione di farlo ora. Ou bien, non ho intenzione di farlo ora. Non ho intenzione di ou non ho l'intenzione di. C'est la même chose.